Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le Courrier de la Sterne, un podcast qui aujourd'hui, peut-être pour l'une des toutes premières fois, parlera enfin de la Sterne. Musique dramatique. On va pas changer la musique à chaque fois que l'on fait un nouvel épisode. Comment ça va, non, Sophie? Là, c'est l'occasion, écoute. C'est vrai que c'est l'occasion. Et... Tu veux que je mette ce Celebration, par exemple, d'Earthwind and Fire? Je suis pas sûr qu'on ait les Pourquoi droits. Pas mais Non, je pense pas. faut l'imaginer, faut chanter dans sa tête, ça marche très bien. Comment ça va, Sophie, sinon? Humidement, beaucoup de pluie et d'orage en ce moment par chez nous, mais sinon tout va bien. Ah si, j'étais super contente. J'étais super contente. Pour ceux qui connaissent pas, on a des petits oiseaux très très colorés qui sont venus dans le jardin dernièrement. Et c'est un peu... c'est pas la première fois qu'ils viennent, mais c'est généralement assez rare. Et là, j'en ai vu deux. Et en fait, ce sont des cardinaux. Alors, il faut savoir qu'en Afrique, il y a aussi des cardinaux. C'est pas seulement au Canada. Et oui, ils sont aussi rouges. Et c'est super joli. D'accord. En l'occurrence, ils sont rouges et noirs. Oui, c'est une autre espèce et chez nous, ils sont rouges et noirs. D'accord. Comme Stendhal, exactement. Incroyable, incroyable. Mais tu vas pas nous parler de cardinaux, du coup, aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Tu vas nous parler de quelle espèce qui, elle aussi, fait sa première occurrence dans l'émission? Alors, on va parler de tinamou. Et j'aime beaucoup le nom, tinamou, c'est moi trop aussi, bien. Moi aussi, j'aime beaucoup le nom et ça me fait bien plaisir de parler de cet oiseau qu'on évoque rarement quand même dans le monde ornitho, alors que c'est une espèce et même un groupe d'espèces particulièrement intéressant. On aura l'occasion d'en parler dans la deuxième partie. Et moi, je vous parlerai de la Sterne d'Orient, donc on ne parlera pas de la Sterne arctique si vous vous attendiez à ce que l'on parle de cet oiseau. On parlera d'un oiseau asiatique, voilà. Et on vous parlera de ses efforts de conservation qui ont rencontré un succès assez original. On va y revenir un tout petit peu plus tard. Ah, bah oui. Mais avant tout ça, Sophie, eh bien, on va démarrer notre fameuse rétro. Et Sophie, j'ai appris cette semaine, peut-être que tu le savais, mais après les hôtels à hirondelles, sais-tu qu'il existe des hôtels à mouettes? Alors attention, si vous vous trouvez en dessous, ne pas rester en dessous. Alors, on parle d'une espèce de mouette particulière, la mouette tridactyle. C'est une population d'oiseaux qui a malheureusement baissé de 80% depuis les années 90 le long de la façade scandinave. C'est un oiseau qui a lui aussi d'énormes problèmes du côté de la France. Il était installé en Bretagne et malheureusement, eh bien, les effectifs se sont effondrés pour plein de raisons, et notamment prédation à cause du faucon pèlerin. Mais on a visiblement une colonie à Boulogne-sur-Mer qui s'installe de plus en plus. Et eh bien, cette colonie serait installée dans un hôtel à mouettes. Alors, j'ai pas trouvé plus d'informations. Un hôtel à mouettes? Oui. Si vous habitez Boulogne-sur-Mer, n'hésitez pas à nous en dire davantage. Mais quoi qu'il en soit... Envoyez des photos. On veut des photos. Exactement. Envoyez-nous des photos. Mais quoi qu'il en soit, dans la province, dans la ville de Vardø, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est en Norvège, eh bien, on a installé ces hôtels à mouettes. Donc, il faut imaginer des espèces de petites infrastructures en bois étagées qui permettent justement aux mouettes de nicher en colonie, puisque c'est la grande particularité de ces mouettes, c'est qu'elles nichent effectivement en colonie. Et ça porte ses fruits, puisque la première année de l'installation objet dans la petite ville, on avait 55 nids qui avaient été réalisés, 74 l'année passée, donc en 2024, et 76 cette année. Alors oui, on a eu une toute petite augmentation, mais ça fait plaisir de voir tout ça, d'autant qu'on est à un carrefour un petit peu compliqué, carrefour géopolitique, puisque Russes et Américains établissent quelque part des stratégies géopolitiques à cet endroit-là. Et puis c'est un énorme carrefour ornithologique aussi que cette péninsule scandinave. Eh ben écoute, plutôt une bonne nouvelle. Alors on attend la position de ces hôtels à mouettes sur tout le long de la côte pour, pour avoir des habitants. Oui, et puis aussi pour éviter que les oiseaux ne soient emportés par la maladie, puisque visiblement les hôtels permettent quelque part eh bien, d'éloigner les populations de ces zones où les maladies sont les plus présentes. Voilà. Donc, mais il y a encore sans doute beaucoup de travail à faire, notamment comprendre la dynamique de prédation de ces mouettes tridactyles. Pourquoi, par exemple, à Boulogne-sur-Mer, parce que ça semble ne pas être le cas, il n'y a pas de prédation de la mouette tridactyle comme il peut y en avoir dans des colonies en Bretagne. Surprise, surprise. Surprise, bah tant mieux. Moi, de mon côté, on va enfoncer des portes ouvertes. C'est un sport que j'apprécie assez, surtout quand c'est dans une grosse publication. Alors, j'ai parlé des manchots du Cap assez régulièrement dans ce podcast parce que c'est quelque chose que je connais bien. Et en l'occurrence, on a une publication qui est sortie dans le Journal of African Ornithology, Ostrich, de son petit nom, qui nous explique que la mortalité des manchots du Cap, et donc la grande mortalité des adultes manchots du Cap, principalement après 2004, a été principalement causée par une famine, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas suffisamment de nourriture à se mettre sous le bec, et donc évidemment, quand t'as pas assez à manger, bah, tu peux pas survivre. Et donc quand je dis que c'est un enfonçage de porte ouverte, bah oui, ça fait longtemps qu'on le sait, parce que c'est justement pour ça qu'il y a eu des zones protégées qui ont été mises en place pour éviter qu'on aille pêcher dans ces zones-là, là où il y avait les manchots, parce qu'on sait que c'est le problème. Donc, et bah du coup les colonies autour desquelles on a mis des zones protégées sont en train de se rétablir un petit peu. Bon, c'est pas flambant encore, mais ça marche un peu mieux. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une superbe publication qui au final n'était pas exactement nécessaire. Enfin, comme on dit, ça va mieux en le disant, j'imagine, mais bon, quand même. Est-ce que tu as travaillé sur cette publication, ou est-ce que tu as travaillé indirectement sur cette publication en fournissant des résultats ou autre, Sophie? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Mais c'est des résultats qui sont déjà disponibles depuis longtemps. Pas du tout, c'est juste que ça a été proposé. Bon, je connais les auteurs de la publication, cela dit, je suis pas étonnée. Voilà. Est-ce que tu connais Longipteryx, Sophie? Ah oui, oui. Eh ben, on va parler de lui. Donc, c'est un oiseau fossile. Il date d'environ 120 millions d'années. Et c'est un individu un petit peu particulier qui fait parler de lui, puisqu'en réalité, l'individu qui a été examiné dans l'un des musées de la nature en Chine, a été identifié comme une nouvelle espèce. Bon, déjà, première chose, on a une nouvelle espèce parce qu'effectivement, les traits entre Longipteryx fossile qu'avait cette représentation et d'autres étaient différents. Mais il y a autre chose, Sophie, qui a été trouvée encore plus extraordinaire, puisque donc cet oiseau qui a été baptisé Chromeornis funkii, F-U-N-K-Y-I, eh bien on a remarqué que dans son œsophage étaient stockés des fragments de quelque chose, 800 minuscules fragments. Alors on a essayé d'identifier ce que c'était, et il s'avère que ces fragments étaient des pierres. Et donc, on ne sait absolument pas pourquoi cet oiseau s'est mis à ingurgiter un nombre extraordinaire de gastrolithes, puisque c'est le nom qu'on leur donne en science. On sait que certains oiseaux peuvent effectivement ingurgiter des pierres, notamment pour faciliter la digestion, mais de là à en ingurgiter 800, eh bien ça a été une énorme surprise. Alors il y a plusieurs hypothèses qui se font, possiblement un oiseau malade, puisque les oiseaux malades ont parfois des comportements assez spéciaux, étranges, lorsque ces oiseaux sont assez affaiblis et peuvent justement ingérer des pierres. Mais enfin, 800 pierres, ça fait beaucoup. Et voilà, c'est une petite étude que vous retrouverez dans Paleontologica Electronica. Et je pense que Julien va s'emparer du sujet. Et si vous voulez plus ample d'informations, je pense qu'on pourra vous rediriger très facilement vers Julien qui complétera mon succinct propos. Exactement, sur un tract science. Exactement. Alors, on va rester dans les fossiles de mon côté. Tu connais les ptérosaures, j'imagine. Bien sûr. ces fameux dinosaures. Bah... Non, je rigole. Non, oula, oula, oh là là là là, attention, on s'aventure en terrain dangereux là-bas, je le sens. Donc, les ptérosaures, qui ne sont pas des dinosaures, hein, mettons bien ça au clair, les ptérosaures, ce sont des bestioles qui pouvaient voler. Jusque-là, tout va bien. Mais sais-tu ce qu'il te faut pour voler, quand on est un oiseau ou un ptérosaure? Alors, il te faut évidemment des ailes, mais il faut aussi ça un aide. Cerveau, un cerveau adapté au vol. Et notamment, lorsque tu pratiques le vol battu, il faut une partie du cerveau très très importante pour gérer un peu la vitesse, la distance, etc. Ce sont les lobes optiques, donc ce qui va gérer tout ce qui est vision. Alors, chez les oiseaux, ça s'est développé au fil des siècles, des millénaires, etc. Mais il semblerait qu'en fait, chez les ptérosaures, ça se soit développé extrêmement rapidement. Donc ce sont des nouveaux scans qui ont été faits de la cavité crânienne de ptérosaures, et qui ont montré que, en fait, contrairement à l'évolution des oiseaux, chez les ptérosaures, chez les fossiles en tout cas qu'on a, cette cavité, l'endroit où on a les lobes optiques, est développée de manière très rapide en tout cas, quasiment dès le départ, ce qui prouve qu'ils avaient déjà de grandes capacités de vol, quasiment dès le départ en fait. Incroyable. Donc ce qui est quand même assez impressionnant, parce que chez les oiseaux, ça s'est pas du tout passé de la même manière. Incroyable. Donc, on a deux types d'évolution différentes. hyper intéressant. Voilà. Moi, j'ai appris plein de choses sur la vision des oiseaux, et notamment la vision des rapaces, sachant que les rapaces voient très loin, jusqu'à 9 km de distance un objet, ce qui est énorme, mais voient très mal, parce que le contraste de leur vision est très mauvais, ce qui fait qu'ils voient très loin, mais voient très loin flou. Et c'est justement une des raisons de pourquoi les rapaces se font avoir par les éoliennes. C'est parce que tout simplement, ils ne sont pas capables de les voir à ces distances-là, et même à proche distance, puisque les pales des éoliennes tournent tellement vite, et les contrastes des éoliennes sont tellement mauvais, les rapaces se prennent très facilement dedans. Incroyable. Prochaine mission, on leur donne des lunettes pour la myopie. Prochaine mission, c'est de trouver des patterns qui conviennent à ces éoliennes, et apparemment, c'est des patterns soit rayés, soit des petits rayures, carrés mis sur alternés avec du blanc. Voilà. Mais c'est pas la même chose pour tous les oiseaux. Certains oiseaux s'accommodent très bien du blanc. Ce qui est un calvaire, du coup, puisque faut identifier la bonne façon mitiger quelque part la bonne formule pour englober le plus d'oiseaux dans la vision de ces éoliennes. Il me semblait qu'il y avait une histoire de peinture UV à un moment où en fait le blanc était plus ou moins une peinture qui réfléchissait les UV et qu'on contrastait avec du noir qui lui ne les réfléchissait pas non plus. Donc ça permettait d'aider pas mal d'espèces à ce niveau-là. C'est vrai que toutes ne fonctionnent pas de la même manière, c'est sûr. C'est assez intéressant. Alors, je vous en parle pourquoi ? Parce que j'ai eu l'occasion d'aller au colloque francophone d'ornithologie qui s'est tenu début décembre, et c'était super cool. Et il y a eu énormément de sujets sur les éoliennes. Et si, et je dis bien si seulement si, c'est disponible à la vue de tous et de toutes, puisque normalement ça doit être mis en ligne en ce début d'année, on vous mettra un lien dans la description pour retrouver l'intégralité de ces conférences. Ce sera peut-être pas fait au moment où on diffusera cette émission, mais voilà, il y a plein de choses hyper intéressantes que vous apprendrez, et on aura sans doute l'occasion de revenir sur quelques sujets qui ont été évoqués lors de ce fameux CFO. Voilà. Et peut-être que Sophie, tu seras présent dans 2 ans, en tout cas, je l'espère. Qui sait ? Qui sait ? Allez, on parle de Sterne d'ici quelques instants, direction Lorient. Lorient sans le L. On va parler de la Sterne d'Orient. Est-ce que Sophie, tu connais la Sterne d'Orient ? Très mal, on ne s'est pas appelé depuis longtemps. Alors, bon, une sterne qui ressemble à toutes les sternes, finalement, avec un bec orange, avec une petite calotte noire. Le bec a du orange, mais sur vraiment sa base, on est plutôt sur du gris anthracite. Et puis, on a des pattes toutes noires. Le bout des ailes aussi est noir. Mais en dehors de tout ça, eh bien, ça ressemble à une sterne assez classique. C'est une sterne qui est en danger critique d'extinction. C'est un oiseau qui a été découvert en 1861 par l'ornithologue Heinrich Bernstein. On est sur l'île d'Halmahera. Au début des années 1900, l'oiseau avait été répertorié dans divers lieux en Asie du Sud-Est, en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines et en Thaïlande. Et puis, en 1937, dernier signalement, la population s'est vaporisée. Et en 1995 ou 96, eh bien, l'IUCN décide de déclarer cette espèce en danger critique d'extinction. Et c'est ainsi que 5 ans plus tard, en 2000, Liang Chieté redécouvre l'oiseau, 4 couples nicheurs sur l'archipel de Matsu en Chine. Le problème, Sophie, c'est que ça va se faire dans une complète indifférence, puisque ce n'est que 2 ans plus tard que Wei Yen Chung, ornithologue taïwanais, va découvrir cette information, va la relater à son directeur Shuya Shen, et à partir de là, une expédition va être organisée par Chen pour retrouver l'oiseau. Les chercheurs, en 2003, parcourent 1301 îlots dans l'archipel de Zhuangshan et ils ne trouvent rien. Ils parcourent 70 autres îlots dans l'archipel de Yunshan, rien non plus. Ils trouvent d'autres espèces de sternes, d'autres espèces de mouettes, mais pas notre sterne d'Orient. Et le 1er août 2003, l'équipe doit visiter quelques dernières îles. Et il y a un problème, c'est que d'ici quelques dizaines d'heures, va s'abattre un typhon. C'est problématique. Oui, un peu. Alors, avant ce typhon, on a une organisation qui est faite en bateau. Et le bateau s'approche d'une petite crique qui s'appelle Jiang Yun Mao, vous m'excuserez pour mon chinois très approximatif, où des cris ont été entendus, des cris très particuliers, avec des oiseaux qui traversent un brouillard gigantesque, et là, on découvre des sternes huppées. Je dis bien des sternes huppées, non pas des sternes d'Orient, puisque ce sont deux espèces en gros qui vont se confondre, et parmi ces 4000 sternes huppées qui sont observées, une vingtaine sont des sternes d'Orient. Alors évidemment, identification visuelle, c'est une bonne chose, mais il faut par la suite avoir davantage de preuves. Et c'est là que Chen décide de retourner au lieu où il avait vu les oiseaux, et la patatras, typhon Meggy, qui se forme, et... la nécessité pour Chen de convaincre justement les personnes qui peuvent l'accompagner dans cette entreprise de prendre la mer pour aller retrouver ces oiseaux qu'on ne verra peut-être sans doute plus jamais. Et donc, il fait le tour des propriétaires de bateaux. Il ne parvient à convaincre personne. Certains considèrent que c'est suicidaire de se lancer dans une entreprise telle alors qu'il y a un typhon qui va bientôt débarquer. Et on ne peut pas forcément leur en donner tort. Mais il y a un pêcheur qui finalement accepte. Avec donc un petit bateau en bois qui est raconté ballotté par des vagues de plusieurs mètres de haut. Oh mon Dieu. Avec un équipage qui vidait sans cesse les seaux d'eau pour rester à flot. C'était absolument dantesque et malheureusement dantesque pour rien puisque à leur arrivée, ils découvrent que il y a des coquilles d'œufs brisées qui jonchaient la colonie. Des poussins qui avaient été sans doute abandonnés à cause justement de ce typhon. Zut. Les sternes, elles reviendront 3 ans plus tard, lorsque 8 individus vont se reproduire parmi à nouveau 2000 sternes UP. Et là, cette fois-ci, la réserve naturelle, elle envoie des membres de son personnel pour surveiller la colonie 24 heures sur 24. Malheureusement, il arrive un moment où les réserves de nourriture et d'eau sont épuisées et il faut se réapprovisionner. Ils sont donc partis malheureusement une nuit, et je dis bien malheureusement une nuit parce que pendant leur absence, des pêcheurs ont débarqué, ont volé tous les œufs et ont décimé l'un des deux sites de reproduction de l'espèce en voie d'extinction, donc en l'occurrence de la sterne d'Orient. Mince. Et donc en réponse à cet incident, en 2007, le gouvernement de Jianshan a organisé en 2010, avec le concours du Muséum d'histoire naturelle de Yejiang, une conférence internationale sur la conservation des oiseaux marins. Peut-être que tu y étais, Sophie. Et l'objectif de ce bureau qui se réunissait, était d'établir une réglementation pour élaborer des politiques visant à protéger ces oiseaux marins. Une protection qui se fait par des panneaux d'affichage qui sont installés un petit peu partout, mais aussi une surveillance très importante de la chasse aux oiseaux et du braconnage. Ça va même aller jusqu'à mobiliser la police pour procéder à des arrestations de plusieurs pêcheurs pour violation de la loi. Et lorsque les villageois ont compris ça, ils se sont tout de suite arrêtés et la situation de la réserve s'est améliorée. Mais il a fallu quand même un petit peu de temps pour faire en sorte que les oiseaux reviennent. Alors on a utilisé des méthodes d'attraction sociale, comme par exemple les techniques mises en point par un certain Steve Kress, qui est le directeur fondateur du programme de restauration des oiseaux marins à la Haute Bonne Society, et un programme qui a l'air de bien marcher, puisqu'il a permis à certains oiseaux marins de recoloniser certains sites, près de 100 sites à travers le monde, depuis sa mise en place. Et Steve Kress précise d'ailleurs que les sternes sont particulièrement réceptives à cette mise en place. Et donc il a fallu attendre longtemps, très longtemps, il a fallu attendre jusqu'à 2015 pour que les chercheurs commencent à utiliser cette technique sur l'île de Wuzishan afin d'augmenter la population de sternes sur place. En 2018, deux sites contenaient 77 sternes UP et 25 poussins. Et puis, au milieu de tout ça, des sternes d'Orient. 5 sternes d'Orient qui ont été baguées, qui ont été bien évidemment placées avec des balises GPS pour que l'on puisse identifier les mouvements de ces oiseaux, et notamment Z5, dont les mouvements ont été identifiés notamment du 21 au 29 juillet 2019, 21 juin au 29 juillet 2019, avec des déplacements entre l'archipel de Yushan et l'île de Wuzishan, qui sont, à 70 km l'un de l'autre, et on est au nord de Taïwan. On est grosso modo à peu près entre à la symétrie du sud de la Corée du Sud et du nord de Taïwan, pour resituer à peu près au niveau géographique. Et donc des identifications de cette population qui ont permis de mieux comprendre justement comment celle-ci se déplaçait. Des déplacements et des populations des oiseaux qui se déplacent donc avec les sternes UP qui ont été signalés dans d'autres parties de l'Asie, aux Philippines, en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande, en mer de Chine, mais sans réellement justement qu'on ait de colonies nicheuses et sans justement qu'on ait la possibilité de pouvoir observer cet oiseau. Jusqu'à, Sophie, cette année, attention, en Malaisie, avec pour la toute première fois depuis 1913, l'oiseau qui a été observé sur la côte d'Asayava. On est, je suppose, près de Sarawak, ou peut-être province de Sarawak. C'était donc depuis plus de 100 ans que l'oiseau n'avait pas été vu en Malaisie. Et ce qu'il y a de formidable avec cette observation, c'est qu'il y a une toute petite vidéo que vous retrouverez sur BirdLife, on vous laissera les liens dans la description, où les chercheurs sont extatiques de découvrir qu'au milieu de sternupés, il y a un individu qui est une sterne d'Orient, et les gens se disent « Non mais c'est pas possible, je suis en train de rêver, ce n'est pas croyable, ce n'est pas possible, je l'imagine !» Et pourtant, eh bien, c'est bien cet oiseau qui a été photographié, observé en 2025. Il y a tout un article sur celui qu'on surnomme l'oiseau de la légende, parce que c'est effectivement une légende qui a été de retrouver cet oiseau. Et pour vous donner une petite idée, c'est aujourd'hui, on suppose, entre 50 et 150 individus. 150 individus qui existeraient de sterne d'Orient. Tu le sais, Sophie, 50 à 150 individus pour des oiseaux d'eau, des oiseaux de mer, c'est très, très peu. On espère qu'il va y avoir des programmes de conservation, des programmes de suivi dans un premier temps, puis ensuite des programmes de conservation pour permettre justement de retrouver une population beaucoup plus décente. Mais ça fait pas beaucoup, effectivement. C'est un sacré bottleneck, ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est 2019, l'IUCN statuait entre 30 et 50 individus. Et BirdLife, aujourd'hui, estime la population peut-être davantage entre 100 et 150 individus, d'où la fourchette que j'ai prise. Voilà. Ouais, oui, non, c'est sûr. Mais bon, ça fait pas beaucoup, quand même. Hein. Non, clairement pas. Clairement pas. Et puis même, mettons, s'il y en avait moins avant, bon, mettons qu'il y en a un peu plus maintenant, ça veut dire qu'il y a eu un moment où il y avait vraiment un sacré goulot d'étranglement. Mmh. Et ça veut dire que la diversité génétique dans cette population n'est pas énorme. Ouais. Et c'est un problème. Effectivement. Alors, diverses raisons hein, de la disparition de cet oiseau, on en a parlé très vite fait, le braconnage. Qui doit être l'une des peut-être premières raisons de la disparition de l'oiseau. On suppose aussi que tout ce qui est perturbation climatique et typhon gêne particulièrement ces populations, notamment lorsqu'elles sont en sous-effectif. Et puis, il y a aussi d'autres problématiques liées visiblement à tout ce qui est maladie. Mais c'est quelque chose qui est très difficile à quantifier et quelque chose qui est très difficile à prouver, notamment parce qu'on n'a pas de signalement de 1940 à 2000, comme je l'ai précisé, et que les signalements entre 2000 et 2025 sont très sporadiques. Donc ce sont des choses qui sont très très difficiles à tester. Et aussi une modification de l'habitat dans la mer de Chine. Mais ça reste quand même très difficile à démontrer. Il va falloir davantage étudier cette population pour comprendre réellement les raisons de sa disparition. Même si l'oiseau, visiblement, n'était pas non plus extrêmement répandu au XXe siècle, d'après ce que j'ai pu trouver comme information en parallèle. Bon. Eh ben, on espère qu'il va... Il va survivre. Bah ouais, ouais, on espère qu'il va survivre. Et si vous voulez davantage de bonnes nouvelles, eh bien, sachez que BirdLife International a fait un espèce de, j'allais dire, de calendrier de l'Avent, mais pas vraiment, parce qu'il n'y a que 12, il y a que 12 sujets où vous retrouverez eh bien, de belles initiatives qui ont été réalisées. Et ça parle aussi de Manchot du Cap. Voilà. Ah oui, donc, très bien. Donc, tu auras l'occasion de découvrir ça de ton côté, Sophie. Tous les liens seront évidemment dans la description. Deuxième partie de l'émission, on va parler d'un autre oiseau qu'on n'a donc jamais évoqué, le tinamou. Oui, le tinamou, et j'adore le nom, c'est tout, aussi. Voilà. Le tinamou, je sais pas qui l'a trouvé, mais c'est génial. Donc les tinamous, alors c'est pas un oiseau, c'est un groupe d'oiseaux, hein, en réalité. Groupe d'oiseaux d'ailleurs dont la phylogénie est encore débattue, parce qu'on sait pas encore exactement quels sont les liens de parenté à l'intérieur de ce groupe, hein, ça change régulièrement. Il y a encore une publication en 2025 qui a proposé une nouvelle classification des tinamous, et notamment regrouper deux genres principalement qui finalement n'en forment plus qu'un. Enfin bref, c'est un poil complexe, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai évidemment l'article en description. Mais aujourd'hui, on va parler d'un oiseau en particulier dans ce groupe-là qui n'était pas connue précédemment. Il s'agit donc d'une nouvelle espèce de tinamou découverte en Amazonie. Ok. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que l'Amazonie, on a une forêt absolument gigantesque, et surtout, on a plein d'espèces qui y habitent, enfin, jusqu'à ce qu'on la découpe et qu'on en fasse du petit bois, évidemment, mais pour l'instant, on a encore des zones qui sont inexplorées, et des zones qui contiennent des espèces qu'on ne connaît pas. Et c'était le cas de cette espèce-là, qui s'appelle... Alors, on a deux noms encore, on n'est pas encore certain du nom qu'on va lui donner, parce que c'est très récent. Ce sera soit le tinamou à masque ardoisé, soit le tinamou de la Cerrado Divisor, donc de l'endroit d'où il vient. D'accord. Pour son petit nom. Alors, pourquoi le tinamou à masque ardoisé? Tout simplement parce qu'il a une sorte de petit masque derrière l'œil, une sorte de trait qui suit l'œil et qui vient barrer donc la joue rousse de l'oiseau. Alors, au niveau des couleurs, on est sur un oiseau qui est finalement assez... Bon, je dirais pas qu'il est terne, parce qu'il a quand même une jolie poitrine fauve, au niveau de la couleur, un peu rouille d'ailleurs, pour la couleur, et puis donc ce petit masque gris foncé, donc ardoisé, sur la tête, la petite calotte de la même couleur, et le dos brun, donc on n'est pas sur un oiseau non plus avec des couleurs absolument fantastiques, mais on est quand même sur quelque chose d'assez sympathique. Au niveau de la taille, on est entre le pigeon et la poule, à peu près. Ça vous donne une idée. Ouais, ça fait un peu outarde, enfin au niveau voilà. De la taille, je dirais, quelque chose comme ça. C'est ça. On a un petit bec assez allongé, un peu pointu. Alors c'est pas non plus un ibis, hein, mais ça reste un bec un poil plus long que celui d'une poule. Donc on est plus long que celui d'un pigeon aussi au niveau de la taille relative de la tête. J'essaie de donner des images parce que c'est vrai que sans avoir une image pour la description, c'est quand même pas facile. Je viens de tomber sur. Alors c'est nos copains d'Ornithomédia qu'on les salue, mais là je suis sur internet. Et visiblement, il y a une vidéo qui est sortie qui s'appelle Dodo Brasileiro, donc le dodo brésilien. Oui, voilà. Exactement. Je trouve ça particulièrement drôle. Exactement. Donc c'est... Bon, par contre, la vidéo est en espagnol. Donc pour ceux qui parlent espagnol, sinon je crois qu'on peut mettre les sous-titres automatiquement. C'est Planet Aves, en plus. C'est le big boss des publications ornithologiques, oui, sur YouTube. Puisque c'est quelqu'un qui dépasse le million d'abonnés. Donc, exactement. Impressionnant. Voilà. On a vu passer d'ailleurs, il y a d'autres petits, il y avait d'autres petites vidéos qui sont passées sur internet, il me semble, des petits shorts sur la découverte de cet oiseau. Donc ça a fait quand même un peu de bruit, hein, mine de rien. Mmh. Il y a plusieurs vidéos. Je sais pas, celle-là est en espagnol. Je sais pas si vous pouvez peut-être en trouver en anglais avec un peu de chance. En français, ça m'étonnerait. Mais moi, il y a toujours le courrier de la Sterne. Hein. Eh oui, exactement. Toutes les meilleures informations sont dans le courrier de la Cerne, il faut le savoir. Donc, ce petit oiseau donc qui nous vient d'Amazonie, c'est donc une nouvelle espèce qui va être publiée là cette année. C'est en cours de publication. Et en fait, ça vient d'où ? Ça vient d'abord de vocalisation. Alors, quand les ornithologues travaillent, ils ont plusieurs possibilités, donc ils vont se balader, évidemment. Ils vont regarder un petit peu s'ils voient des nouvelles espèces, à la jumelle ou autre. Mais ils vont aussi écouter, et ils vont écouter les vocalisations de pas mal d'espèces et voir si jamais, peut-être, ils en entendent qu'ils ne connaissent pas. Et en l'occurrence, c'est le cas de ce tinamou, parce que en fait, ce chant a été entendu donc à plusieurs reprises à partir de 2021, il me semble. Et on ne connaissait pas ce chant. C'est des vocalisations qui sont assez longues, assez puissantes. En fait, c'est des sons qui sont. Alors, les tinamous ont plusieurs types de chants. Ils n'ont pas forcément tous le même, mais ceux-là étaient différents des tinamous qu'on connaissait, tout en étant un tinamou, hein, visiblement, mais c'était différent. Et donc, ils ont continué leurs observations, essayé d'écouter un peu plus, voir s'ils retrouvaient les mêmes observations. Et donc, depuis 2021, ils ont réécouté plusieurs fois le même chant, sans pouvoir voir la bestiole, jusqu'à très récemment, où finalement, ils ont réussi à récupérer trois femelles de l'espèce en question, trois femelles qu'ils ont pu étudier, donc mesurer notamment pour essayer d'en prendre un type, c'est ce qu'on va chercher à faire, un holotype de l'espèce, donc pour avoir un individu type qui va être le standard en quelque sorte de l'espèce auquel on va comparer tous les autres oiseaux qu'on va trouver. Donc ils ont trouvé trois femelles qui leur ont permis donc de d'écrire ce standard en quelque sorte. Alors ces trois femelles Elles ont été retrouvées donc dans l'endroit qui s'appelle la Cerrado Divisor, d'où le nom de l'oiseau. Donc on est au Brésil, alors on est dans la partie la plus à l'ouest du Brésil, donc du côté, si vous voyez la fameuse chaîne de montagnes que vous avez sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, et bien on est dans un endroit qui va être très très proche de cette chaîne de montagnes, donc de la cordillère des Andes, et qui va... Alors, c'est pas exactement en altitude, on est plus au niveau de 400 mètres d'altitude, plus ou moins, c'est pas non plus très élevé, mais on est à une petite élévation, et on est sur un endroit qui est finalement pas très très grand, on est sur un territoire assez réduit, comme chez beaucoup d'espèces d'ailleurs qui habitent par là-bas, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que c'est des espèces qui vont être inféodées à un milieu bien particulier et qui vont pas vraiment sortir de cet endroit-là. Malheureusement, on va les retrouver qu'à un seul endroit. Ça s'appelle une espèce endémique qu'on ne trouve qu'à un seul endroit. Donc. Et pour le moment, on a réussi, alors grâce aux comptes audio et ensuite aux observations qu'ils ont pu faire, on a réussi à trouver qu'on avait à peu près 2000-2100 individus en tout dans la nature, ce qui est pas énorme quand même. Et le problème, c'est que tous ces individus sont localisés dans un endroit en particulier, un endroit qui, malheureusement, va possiblement bientôt avoir un problème. Alors, évidemment... C'est étonnant. oui, c'est... Voilà. Donc, en fait, on a des projets de construction, notamment des projets de construction de routes qui devraient passer par l'endroit, justement, où sont ces tinamous. Et bon, si pour l'instant l'habitat n'est pas trop perturbé, parce qu'on est quand même sur quelque chose qui est assez éloigné de toute vie humaine, malheureusement ce projet de route va rapidement mettre fin à cet éloignement et va couper en plein milieu de l'endroit où se trouvent les tinamous. Alors c'est... La route encore, c'est pas... Bon, on sait que c'est un problème pour pas mal d'espèces d'oiseaux et d'autres types d'animaux, mais c'est... Ça aurait pas été le pire. Le problème, c'est qu'il y a aussi des projets de mines dans la région, qui, eux, par contre, pourraient être bien plus délétères, parce que là, ça couvre une zone beaucoup plus grande et pourrait prendre la place donc de la forêt dans laquelle vivent les tinamous, malheureusement. Donc, on s'inquiète un petit peu de la suite. Alors... faut savoir que la Cerrado Divisor, c'est en fait l'unique zone au niveau du Brésil qui est un petit peu sur la cordillère des Andes. Donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on va aller faire des mines par là-bas. C'est parce que justement c'est un endroit qui pourrait être intéressant pour ça. Mais le problème c'est que si c'est la seule partie du Brésil qui recouvre un petit peu la cordillère des Andes, c'est aussi la seule partie du Brésil qui accueille du coup des espèces un peu particulières qu'on ne retrouve pas autre part au Brésil. Notamment donc ce tinamou, et puis il y a plein d'autres petites espèces du même style qui vont habiter avec le tinamou dans le même type d'habitat. Donc on est sur une faune un peu spécifique, très riche, mais aussi très en danger, vu qu'elle ne se retrouve pas ailleurs. Donc, ces projets de construction sont un peu un problème. Alors, l'une des possibilités, c'est de créer des zones protégées à ces endroits-là pour éviter que les oiseaux ne soient gênés par des projets de développement. Mais bon, on connaît le Brésil, ça m'étonnerait que ça arrive. On verra ce qui se passe. Je croise les doigts, j'espère que bon, ça ira. Mais bon, voilà, c'est... Bon, C'est un peu triste ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on découvre une espèce et on se dit bon bah voilà, elle est là, et puis bah dans 10 ans, bah elle y sera plus. Parce que voilà. Donc c'est toujours un peu triste ce genre de découverte, malheureusement. On peut que espérer que la situation changera d'ici là et que l'espèce s'en sortira mieux, mais pour l'instant c'est pas gagné. Eh ben on l'espère. En tout cas, ça a l'air d'être une zone qui a l'air d'être très... comment dire, j'allais dire sacré, mais c'est pas sacré le terme que je cherchais, sacralisé, puisqu'il y a effectivement une niche altitudinale qui est assez particulière, et visiblement il y a aussi des populations d'autres oiseaux. Là je lis la communication d'Ornithomédia, il parle du micro-tyran à ventre blanc, qui aurait été découvert aussi dans cet endroit pour la première fois au Brésil. Donc mine de rien, c'est assez... Ouais. C'est pour ça que ce serait bien d'avoir une zone protégée. La la faune, et j'imagine, parce qu'on n'en parle pas, mais j'imagine que la flore associée doit aussi être intéressante. Ah, totalement. Ouais. La faune, en tout cas, l'est particulièrement, vu que c'est le seul endroit où on peut trouver certaines espèces bah, comme celle-là, en l'occurrence ce tinamou. Et bon, ce serait bien de la protéger avant que tout ne disparaisse, parce que si développement il y a, notamment une mine, on sait à quel point c'est délétère, ce genre de choses. On en a parlé. Si développement il y a, eh bien, ce sera la fin de ces espèces-là, donc on espère que non. Ce serait dommage de les découvrir aujourd'hui pour les voir s'éteindre sous nos yeux. Parce que ça prendra pas très longtemps, dans ces cas-là. 2000, voire 2100 individus, c'est pas long. Malheureusement à s'éteindre. Tu viens d'en parler avec les sternes, les populations diminuent très rapidement, et lorsqu'on arrive à moins d'une centaine d'individus, généralement c'est la fin. Donc, bon. Ouais, bah on en avait parlé hein, des conséquences des mines, du fait que l'écosystème ne s'en remettait jamais réellement, du moins à moyen terme. Donc c'est toujours, on espère que le projet sera uniquement à l'état de projet, justement. Mais oui. Eh bien, on espère que la découverte de ces deux oiseaux inédits du courrier de la Sterne vous a plu. On espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode du podcast 100% oiseaux. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir écouté. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez nous retrouver également dans les commentaires sur YouTube si jamais vous avez des questions ou si vous avez des précisions à nous apporter. Si vous habitez par exemple à Boulogne-sur-Mer, tiens, on aimerait bien en savoir plus sur cette colonie de mouettes tridactyles. Mais tout voilà, à fait. Avec peut-être des photos, qui sait. Bon, sur YouTube, c'est compliqué d'envoyer des photos, mais sait-on jamais. Peut-être vous pourrez nous rediriger sur d'autres supports. Merci beaucoup, Sophie. On rappelle que si vous voulez en savoir plus, dans la description, vous retrouverez l'intégralité de nos sources. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous, salut à toutes. À plus.